J'ai toujours autant de tristesse. Ce sentiment qui nous attriste tous, rien à foutre. Rien si à on foutre. Dit que mes textes sont tous trop tristes, je suis un briquet avec cette vie trop peu enviée. Les années passent, je deviens acariâtre même à la nativité. Famélique que je l'ai été, mes frères aussi. Comment veux-tu que je cache tout ça? J'ai rappé le ventre vide, j'ai eu peu de sous, mais beaucoup de soucis. Impétueux, j'ai rien chigné, même lève j'insiste. J'ai rappé mes versets pour le succès, mais tu vois, je suis qu'un inquiet, ça d'atteindre l'arceau. Cartésien, je peux pas écrire autre chose. Cette vie me rend triste, mon moreux, je peux pas bluffer le public sans scrupule. Dire que ma vie est rose. Alors j'entasse les lettres d'huissier qui arrivent chez moi à profusion. Chaque jour de ma vie est un film triste qui sans cesse est diffusé. Mon leitmotiv, je m'en sortirai, je me dis que demain ça ira. Je garde les yeux bien ouverts dans le noir, un jour le bonheur jaillira. Regarde nos existences, sans importance remplies de stress. Ici personne côtoie la chance et nos vies s'enfoncent sans cesse dans la tristesse. Entouré trop de faits qui nous blessent, en fait sans trophée ni ivresse. De connaître la victoire, tu sais ce que c'est peut-être non. Une réussite trop illusoire, on sort pas de Saint-Cyro HEC. Pourtant on s'en sort comme on peut, chacun attend son heure. En espérant que demain tout ira mieux, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. De toute façon on fait que ça, se battre pour la gloire et la maille. Ramasser Marie Curie et Scalpa, peur de ce qu'elle est la tristesse. Peur de ce qu'elle a la vie de blesse, dans ces cas-là la vie te laisse. Et tout s'efface à une vitesse, une vie trop pénible pour certains. Pour ceux qui rêvent de mailler de succès, pas d'excès dans mes versets, si t'apprécies, laisse-toi bercer. Ouais, laisse-toi bercer. AXS, trop de tristesse. Le stylo pleure sur nos feuilles, le corps en deuil, une larme au coin de l'œil, les yeux levés vers le ciel, on maudit Dieu et la vie. La tristesse voit dans les yeux de nos mères, nos pères décevants. On vit avec la guigne au quotidien, alors on rit peu souvent. On pleure sur nos feuilles, le corps en deuil, une larme au coin de l'œil, les yeux levés vers le ciel, on maudit Dieu et la vie. La tristesse voit dans les yeux de nos mères, nos pères décevants. On vit avec la guigne au quotidien, alors on rit peu souvent. Je suis désespéré, trop de gars exaspérés ou en train d'espérer que le Christ existe. On leur vit un peu moins triste. Quand c'est chaud, on insiste, on se dit qu'il faut qu'on résiste. Trop de galères, nos deuils, trop de gaillards, tourne de l'œil, les gars. Joue les mercenaires, les mers vénèrent. Quand on les incinère, les nerfs, mes bons souvenirs conservent. Un jour ou l'autre, les conseils, ça sert face à ce que la vie réserve. La tristesse s'empare des esprits, même alerté ou averti. Son mec merde à la tristesse, c'est vrai, franchement. Comme une pute de narc, s'empare de toi à chaque fois qu'on prie, vitesse. Tu me comprends, la haine bien. S'empare de moi, pute EST, fuck toutes les tasses. Pute propage ma haine comme des éclats de merde. À ces disputes, ça discute fort, cache la tristesse fière, même si on est fort. Sur la vie de mes frères, j'ai juré qu'on mentit. La tristesse ronge, la foi n'est plus, reprends-moi si j'ai menti. TEST au mic, la tristesse, je l'ai déjà ressenti. Jure de s'en sortir. La déprime pousse au crime et la frime fait qu'on se crame. Avec tous les trucs qu'on trame, chaque jour on trime, même pour une reconnaissance infime. Faut le faire, sors la tête, ton cul, même si ça pue la merde, coach. Même la tristesse seule ne peut rien face aux mots qu'on catch. TEST, coach. ATK, TPS, tristesse. Le stylo pleure sur nos feuilles, le corps en deuil, une larme au coin de l'œil, les yeux levés vers le ciel, on maudit Dieu et la vie. La tristesse voit dans les yeux de nos mères, nos pères décevants. On vit avec la guigne au quotidien, alors on rit peu souvent. On pleure sur nos feuilles, le corps en deuil, une larme au coin de l'œil, les yeux levés vers le ciel, on maudit Dieu et la vie. La tristesse voit dans les yeux de nos mères, nos pères décevants. On vit avec la guigne au quotidien, alors on rit peu souvent. J'ai le sourire, les soirs quand rien ne se passe, je me contente seulement d'ouvrir mes yeux alors pendant ces quelques passes. Le temps, c'est vrai, l'arrêter. Est-ce que cela m'aiderait à fixer éternellement mes instants de rêve? Vous imaginez même vrai. Trêve vos spins, ben dans un idéal non hostile, le monde entier steak. Quand mes yeux je cligne, imaginant qu'ailleurs sûrement un autre subit ses pires malheurs. Attendant mon tour, fataliste, attendant mon heure, me réjouissant à l'instant présent, savourant encore ce présent, encore palpable, demande en respirant profondément ce plaisant bonheur. Le stylo pleure sur nos feuilles, le cœur en deuil, une larme au coin de l'œil, les yeux levés vers le ciel, on maudit Dieu et la vie. La tristesse voit dans les yeux de nos mères, nos pères décevants. On vit avec la guigne au quotidien, alors on rit peu souvent. On pleure sur nos feuilles, le cœur en deuil, une larme au coin de l'œil, les yeux levés vers le ciel, on maudit Dieu et la vie. La tristesse voit dans les yeux de nos mères, nos pères décevants. On vit avec la guigne au quotidien, alors on rit peu souvent. Tout ça croire que la tristesse, je l'ai vu, tout ça croire que la tristesse.